représente les HLM, l'amour des blocs pour tous les quartiers de France, pour les mecs des blocs 57070 représente belle croix. Histoire des maîtres de l'humanité. Peu premier opus, peu. Ok, voici l'album pour tous les mecs des blocs, pour les projets de mon quartier. Appelle-moi Leopoldo City. Bienvenue à Messina. 5-7. Et pour tous les chefs de France, FR, tu es libre. Arrive, car voici. Wow.